le conte de Fredo au pays de The Blamouche. C'était un type gros costaud, hyper con, hyper louche. Il avait des sauts d'humeur, des envies meurtrières. Quand passait le premier flâneur, ça faisait bien son affaire. Un Joe Star avec une hache, une superstar avec du hache. Voilà à quoi il ressemblait, mais son plus gros défaut c'était de chanter. Chanter comme ça, avec une voix de tapette. Non, funk, mais au moins bête. Les grands chefs d'orchestre voulaient tous l'arracher, mais Fredo demandait jamais son reste. Il préférait tabasser quand sa voix résonnait. On savait qui c'était, alors, pris de panique, on scaltait à cette musique. Une voix d'ange dans un corps, un démon qui sème la mort. Mais moi je le sais bien, que Fredo était câlin. Il chantait, il tapait aussi. Il récitait toutes les chansons de Walt Disney. Quand il tapait, mignon non. Parcourait le monde en sauvant les belles blondes, celles qui s'amusent à ronfler dans des grands lits satinés. Tous les trolls, nains et orques qui passaient à sa portée finissaient dans la remorque, destination nécrofauchée. Même Frodon le détestait, car son bijou de famille est parti dans l'agonie de Fredo le gringalet. Fredo chantait, va Fredo. Avec une voix de soprano, genre Raphaël, mais au moins bon. Allez, viens. Un jour qu'il vadrouillait dans un très très grand palais, qu'il avait découvert sur une carte mais à l'envers, il s'arrêta tout net, laissant tomber sa grosse hachette. Mon Dieu, mais quelle merveille! Il prêta pour sur l'oreille, car ce jour-là il entendit, au travers d'une porte fermée, une des voix les plus exquises qu'il a tout de suite assommée. I sing it in my bathroom, just sing it in my bathroom. I'm a slam, I'm a princess, take your glove and make success. Rescue my ass, it's not Christmas. Take it easy, let's go, Mikey here. Il sauva cette princesse, c'est comme tous les mecs de la terre, il se mit à la bière et prit beaucoup de gras. Il laissa tomber des soirs de combat, il prit un boulot de focus de la con, je regardais des tuches aujourd'hui, et puis trois jours de. Bref, il était rangé. Non, je déconne! Il enleva donc cette princesse qui n'était pas du tout en détresse au lit. C'était une vraie tigresse genre sauvagesse, tu vois. S'alanguirent comme des ladres, ils ouïrent ensemble des manades. Ils phalangirent leur idylle, tout ça, ça veut rien dire, c'est complètement débile. Enfin ils purent étancher leur penchant cantatoire, en chantant tous les soirs dans les bistrots de la comté. Thank you. fait donc. Quelle est donc cette belle femme qui me quémande de sauver son âme? Viens me sauver, bordel. Dois-je tenir la flamme de son drame? Faut-il que je m'en soucie? Dépêche-toi. Faut-il que... Daniel, grouille.